Aujourd'hui, à Geekorama. Geekorama. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 38e épisode de Geekorama. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un excellent shooter des années 90. 97, pour être plus précis, c'est bien sûr Hotlaws, ouais, c'est ça. Et ça, c'est un jeu qui a été développé et publié par LucasArts, donc c'est quasiment par défaut de la qualité. Et ça, pensez au vieux Doom, Duke Nukem, Xen, mais western. Puis ça, c'est génial parce que des jeux de western, il y en a pas tant que ça. Puis un jeu comme Hotlaws, c'en a encore moins. Fait que tu sais, en 3D shooter comme ça, dans ces années-là, c'était pas commun. Je pense que c'était peut-être le premier. Bref, je pense pas le premier, mais en tout cas. Puis ça, c'est la soundtrack, je vous finis par le dire. Ça a été composé par le monsieur Clint Bajakian. Et lui, Clinton, whatever. Et, ben, c'est pas n'importe qui, ça. Il a composé pas mal de bons stocks, entre autres Monkey Island 2, Uncharted 1 et 2, God of War 3, Uncharted 3, Uncharted Golden Abyss, World of Warcraft, Warlords of Draenor. Fait que c'est pas n'importe qui, il a fait vraiment du bon stock. Puis, je vais vous avouer qu'à ce soir, c'était pas un épisode que je pensais faire parce que j'avais une liste qui était faite ça fait longtemps, mais j'ai commencé à réécouter ce soundtrack-là, ça fait pas si longtemps que ça parce que je l'avais sur un bout. Puis, plus je l'écoute, plus je l'aime, plus elle monte dans mon top de mes tunes de jeux vidéo à vie. Puis, je me suis dit, la chenoute, là, faut que j'en parle aujourd'hui parce que ça, c'est juste trop bon, vraiment, c'est débile, là. C'est digne de musique de film, c'est juste fucking bon. Fait que je vais vous envoyer le bloc 1 de suite, tiens. On y va avec Hotlaws, Anna's Team et The Ballad of Dr. Death. We'll be right back. Et nous sommes rendus au bloc 2, et qu'est-ce qu'on a au bloc 2? Ben, on a Sanchez de Hotla, Sanctuary et The Sawmill. Et après l'excellent bloc 2, eh bien, c'est l'excellent bloc 3. Et au bloc 3, on a The Train, Showdown et Two Feeders. Thank you. c'est déjà la conclusion. J'espère que vous avez trippé autant que moi sur cet épisode-là, parce que, Colin, que moi j'ai eu du fun. C'est vraiment, là, c'est pas loin dans les 135 de jeux vidéo, là, c'est pas loin de mon top à vie. Là. C'est à ce point-là, parce que je trouve que c'est vraiment grandiose, c'est vraiment bon. Il n'y a pas beaucoup de tracks, il y en a juste 10, là, mais c'est... Quant à moi, les 10, là, sont... J'adore toutes les écouter, puis je me tente pas. Fait que le jeu, il peut être... je sais qu'il est disponible sur GOG pour vraiment pas cher. Steam, par contre, je le sais pas. Ça, je peux aller checker. Mais sur GOG, il doit être en bas de 10$, ça, c'est sûr. C'est quand même un jeu de 97, là. Mais avant de vous laisser, je vais vous laisser sur la track The Last Gunfight. Et ce qui est particulier dans The Last Gunfight, vous allez voir, il y a un... La track ressemble vraiment à une toune dans... La Bon, la Brute et le Truand. Vous allez le voir, c'est assez flagrant là, à quel point l'inspiration est là. C'est débile, mais elle n'est pas identique. Là, mais le début, en tout cas, c'est pratiquement la même chose. Vous allez voir, c'est juste malade. Fait que sur ça, passez une excellente journée. Au revoir.